Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire François Sullivan, une vie d'exploration et de mouvement. J'ai jamais fait de différence entre la danse, la peinture, la sculpture. C'est le processus de faire une œuvre d'art qui est essentiel pour moi. Artiste multidisciplinaire avant l'heure et signataire du manifeste Refus Global, François Sullivan appartient à cette poignée d'hommes et de femmes qui, à partir des années 40, vont réinventer l'art au Québec. Pionnière de tout pourrait probablement être la formule toute désignée pour résumer l'exceptionnel parcours de François Sullivan. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. C'est toute ma vie qui passe là. Et ça aussi, c'est un peu émouvant. Pour moi, c'était naturel de faire de l'art. J'ai toujours voulu mettre la peinture en premier. Quand je fais un tableau, ce sont toutes les petites décisions prises continuellement et qui font qu'un tableau se complète, mais est-il réussi ou non? Quand il est bon, on est vraiment heureux. C'est le bonheur. Je pense que une fois installée cette exposition, je vais continuer parce que je travaille encore. François Sullivan, en 2018, François Sullivan, qui travaille effectivement encore à plus de 95 ans, elle parlait donc dans cet extrait de 2018 de cette grande rétrospective qui lui était consacrée au Musée d'art contemporain de Montréal et évidemment de sa démarche de peintre, celle qui l'a conduite à cette grande rétrospective il y a quelques années, pour nous parler de ce monument de l'art québécois, de l'art des arts visuels au Québec, Gilles Daigneau, qui est directeur de la Fondation Molinari et ancien critique d'art au Devoir et à Radio-Canada. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, M. Daigneau. Bonjour. Bonjour, Jacques. Vous la connaissez bien, Françoise Sullivan. Vous la connaissez personnellement. Parlez-nous d'elle, parlez-nous de cette femme que vous connaissez. Parlez-nous de cette carrière extraordinaire également. Oui, c'est-à-dire, vous avez dit un monument, on peut parler d'un continent aussi. C'est un peu un... C'est plus qu'un phénomène, c'est un miracle que cette femme qui expose depuis plus de 75 ans et qui ne cesse de se renouveler constamment, de se remettre en question. J'écoutais Françoise parler, elle était lors de sa rétrospective au Musée d'art contemporain en 2018. Je repensais à sa première rétrospective, une grande rétrospective au Musée d'art contemporain aussi, en 81, ouais. Elle avait 58 ans. Et c'est drôle parce qu'elle n'était pas enchantée d'avoir cette rétrospective parce qu'elle n'aime pas regarder en arrière, ni à l'époque, ni maintenant. Alors, elle disait, c'est sûr, c'est un passage obligé, on fait ça une fois dans sa vie, et puis voilà, on espère toujours rebondir après. Mais ce qui était remarquable, c'était que les gens... Regardant l'exposition de Françoise, à l'époque, elle était foisonnante parce que Françoise est une vraie artiste multidisciplinaire. Ouais. La danse, la performance, la exploratrice, sculpture. Non seulement multidisciplinaire, mais exploratrice dans toutes les formes d'art qu'elle va toucher. Oui, elle était culottée dans chacune de ses aventures. Et les gens disaient, c'est fascinant, parce qu'on aurait dit qu'elle est bonne dans toutes les disciplines. Ouais. Dès qu'elle touche quelque chose, elle est très, très bonne. On dit, elle aurait pu être danseuse, performeuse, sculpteur, essentiellement. Mais... Les gens disaient même, elle aurait même pu être peintre, parce qu'on regarde le travail des derniers mois, c'était les tondeaux à l'époque, les grands tableaux, la première fois qu'on les voyait. Les gens disaient, elle aurait même pu faire une carrière de peintre si c'était à refaire. Ouais. Françoise l'a pas pris comme ça, pas dit si, non pas si c'était à refaire, mais je vais le faire. Ouais. Et 40 ans plus tard, elle devient peintre à part entière, parce qu'elle peint depuis 40 ans. Et c'est drôle parce que sa prédiction, on fait ça une fois dans sa vie, au moment où, en 2018, elle a sa rétrospective, c'est la quatrième ou la cinquième, au seul titre de peintre. C'est quand même pas banal. Un petit détour, puis on va y revenir un peu plus tard, mais quand même un tout petit mot, parce que quand on parle de Françoise Sullivan, tout de suite, on l'associe généralement, en tout cas, au Refus Global. Elle est l'une des signataires du Refus Global. Quelle place elle occupe, Françoise Sullivan, parmi ce petit groupe là, qui va signer le Refus Global? Une place très, très importante, et ce qu'il faut noter, c'est qu'elle est une automatiste de la première heure. Elle arrive en 41, c'est son ami Pierre Gauvreau qui va la présenter à Bordua. Et donc, 41, c'est tôt par rapport à 48. Donc, il y a les 7 années qui précèdent Refus global où elle est très, très, très active. Elle assiste aux rencontres, ça s'appelait la ferme Charbonneau à Saint-Hilaire, des discussions sûrement très intéressantes avec Bordua et ceux qui ne s'appellent pas encore les automatistes, mais qui le deviendront. Ça fait partie des chances qu'elle a eues, évidemment. Elle a rencontré beaucoup de beaux mondes en peu de temps, et ouais. Tout ce monde-là avait beaucoup de talent. Vous parlez de chance, c'est quelqu'un qui naît dans un milieu bourgeois. Ça va plutôt bien pour elle, mettons. Elle part avantagée dans la vie. On peut dire ça comme ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est-à-dire que le papa est avocat, et Françoise répétera souvent, il aimait la poésie. Et ouais. Bon, il me fait faisait rire, il me lisait des poèmes. Alors, elle va dire à l'âge de 10 ans, « Ah, moi, j'aimerais ça être artiste. » Et là, les parents sont ravis. Mm-hmm. « Alors, tu veux être artiste, c'est parfait. Cours de piano, cours de danse, cours d'art visuel et tout. » On va l'inscrire à des cours de danse classique pendant une dizaine d'années. On va l'inscrire à l'École des Beaux-Arts. Elle s'inscrira à l'École des Beaux-Arts en 40. Elle va y rester 5 ans. Donc, tout roule tout seul. Et disons, si on veut parler de chance pas possible, disons qu'elle va rencontrer Fernand Léger en 43 parce qu'il est à Montréal pour présenter son film Le Ballet Mécanique. Et il va avoir une correspondance, quelques cartes postales échangées avec Fernand Léger. Et Fernand Léger va revenir à Montréal, va aller voir Françoise, va lui dire « J'aimerais ça vous donner un cours de dessin chez vous. » Alors, si on parle de chance, ouais. Ça y est. Donc, elle va peindre, vous l'avez dit, elle fréquente déjà le milieu des automatistes. Puis, autre coup de chance, en 1943, elle participe à une expo qui, historiquement, est importante au Québec quand on regarde un peu l'histoire de l'art québécois, ce qu'on appelle les Sagittaires. Les Sagittaires, oui, c'est important, surtout pour la suite des choses. Déjà, en soi, c'était une exposition importante organisée par Maurice Gagnon, le père de François-Marc Gagnon, notre premier grand historien de l'art. Il va organiser cette exposition où il y a 23 jeunes artistes, dont la moitié sont des élèves de Bordua ou des gens qui fréquentent l'atelier de Bordua. Mais dans l'autre partie aussi, c'était sur la jeune création. Donc, il y a Jacques de Tonancourt, il y a des gens qui vont devenir très, très importants. Françoise participe à cette exposition-là et disons qu'elle va même... elle va être très remarquée. Elle va gagner un prix avec une toile. Bon, c'est une exposition, disons, marquante. Oui. Et pourtant, donc c'est très, très bien parti pour elle du côté art visuel, du côté peinture. Et pourtant, elle décide en 45, François Sullivan, de partir pour New York, de perfectionner sa formation de danseuse. Donc, elle va s'éloigner pour un temps de la peinture. On l'écoute, ça c'est un choix important qu'elle fait. On l'écoute parler de sa période new-yorkaise à l'émission Femmes d'aujourd'hui en 1978. L'enseignement que j'avais ici était strictement l'enseignement du ballet. Et il fallait que j'apprenne un peu comment bouger autrement. À New York, j'ai pris des cours de danse moderne et des cours de danse primitive, de toutes sortes, pour savoir comment bouger, parce que les muscles s'éduquent d'une façon. Alors, ce que j'ai essayé de faire en transposant la danse avec les principes de l'automatisme, c'était de se mettre dans un état neutre et de laisser venir les mouvements, de laisser naître des mouvements. Et pour ça, il fallait que le corps soit éduqué et déséduqué, si vous voulez. Alors, racontez-nous cette période new-yorkaise, Gilles Déniaud. Je le disais, c'est un choix important qu'elle fait. Ça va bien pour elle à Montréal. Elle a eu un certain succès dans cette exposition des Sagittaires. Sa carrière de peintre pourrait tout simplement continuer son petit bonhomme de chemin. Mais non, elle décide de partir perfectionner sa danse à New York. C'est que, et ça va être une constante dans toute sa vie, dès qu'elle n'est plus contente de ce qu'elle fait, dès que ça ne la transporte plus, elle s'arrête. Là, pour New York, elle est mécontente de sa peinture et dit « il faut que je fasse autre chose ». Et là, c'est intéressant, elle revient sur la danse qu'elle a fait pendant une dizaine d'années et elle commence, dit-elle, par désapprendre tout ce qu'elle a appris. Ouais. Disons qu'elle va faire à ce moment-là avec la danse ce qu'elle fera toute sa vie avec la sculpture, avec la peinture, par exemple. Elle va s'attaquer à une certaine forme de peinture académique pour faire la sienne de peinture. Ouais. Et c'est pareil avec la danse. Dans le texte dont on pourra reparler tout à l'heure, qui paraît dans Refus Global, la danse et l'espoir, c'est une démolition en règle de la danse classique. Je pense, je me rappelle la première phrase de La danse et l'espoir. Donc, avant tout, la danse est un réflexe, une expression spontanée d'émotion vivement ressentie. On est loin de, ouais, de la danse où on doit discipliner un corps et tout. Elle va dire d'ailleurs, c'est tout le corps qui doit, ouais, participer à la danse et non pas seulement les jambes. Et ça, vous l'avez aussi dit, c'est des réflexes automatiste. Ouais. Donc elle c'est a par eu... l'automatisme qu'elle apprend à danser quelque chose qui la satisfait. Voilà, parce que ce contact-là, elle l'a eu déjà avant de partir pour New York. Elle connaît cet esprit, cette pulsion automatiste et elle va s'en nourrir pour la danse qu'elle va faire. Puis à New York, vous dites qu'il faut qu'elle désapprenne pour apprendre autre chose. Elle l'évoquait un peu dans l'extrait, mais elle va vraiment travailler avec de très, très grands noms de la danse. Martha Graham, Francesca Boas, qui était aussi, bon, la fille de l'anthropologue. Et donc là, c'est une compétence qu'elle va acquérir d'une façon intensive en très, très peu de temps. Et c'est tout ça qui va faire la matière de ce texte qui s'appelle « La danse et l'espoir », que, en 48, les automatistes vont dire « Françoise, il faut absolument que ton texte soit intégré dans Refus Global ». En pratique, c'est une conférence qu'elle va prononcer chez Madame Gauvreau, la mère des Gauvreau. Et effectivement, en 48, on doit dire que quand on relit ce texte-là, à l'époque où c'est un désert, la danse à Montréal, il se passe absolument rien, elle a une compétence fantastique, elle a un sens de la synthèse. Et c'est un texte fondamental. Qui, donc, va se retrouver dans ce manifeste important de Refus Global? Parce qu'il faut le dire, quand elle revient de New York, autour de 47 à peu près, elle va se rapprocher encore plus étroitement de ce petit cercle autour de Bordoy et de Bordoy lui-même, qui va vraiment, pour elle, être quelqu'un de très, très important. On l'écoute parler, justement, d'abord de Bordoy, de cet esprit qui va inculquer à cette petite bande de disciples, entre guillemets, qui le suivent et qui va, dans le cas de François Sullivan, donner ce texte dont vous parliez. Donc, François Sullivan à l'émission Les Belles Heures en 1987. Comment c'était, Françoise, dans l'atelier de Bordoy la première fois? Qu'est-ce qui vous a frappé? Est-ce que vous avez encore des images oui, de ça? Oui, j'ai une image très forte. C'était sur la rue Napoléon, un atelier tout blanc. C'était comme un salon double, tout blanc et dénudé complètement, sauf pour des tableaux et un chevalet. Ces tableaux étaient posés contre le mur, on ne les pouvait pas, qu'on ne puisse pas les voir, et ils nous en montraient un à la fois. Et ce dénuement était très fort, nous a paru très, très important. Et puis, il nous a parlé de tout. Il nous a parlé de la liberté, de la condition du Québec à ce moment-là. Et il nous parlait de l'imagination, de la magie, de l'amour. Nous amenait dans un monde qui était autre. Il fallait sortir du monde où nous étions. Vous dites, Gilles Daigneault, elle parle de Bordoy dans cet extrait, François Sullivan, vous dites qu'il a été l'homme de sa vie professionnellement. Pourquoi on peut dire une chose pareille? Quelle importance il aura, Bordoy, pour François Sullivan? C'est fantastique le nombre de témoignages de ce genre-là que j'ai entendu dans ma vie de la part des gens qui l'ont fréquenté. C'était un personnage magique, semble-t-il, qui parlait des tableaux d'une façon lumineuse. Les gens ne savaient pas comment parler des tableaux à l'époque. Bordoy savait y faire et tout. Et il est lui-même, quand on y pense, un objet miraculeux. C'est le petit bonhomme de Saint-Hilaire qui est l'élève de M. Le Duc, d'Ozias Le Duc et tout. Donc, il n'y a rien qui le prépare à devenir le grand animateur qu'il sera. Ouais. C'est qu'il était, il s'est magnifiquement, il attirait les gens intéressants. Donc, les gens qui l'ont entouré, Fernand Le Duc, Bruno Cormier, chacun avec des compétences spécifiques, Bordoy intégrait tout ça et redonnait ça, c'était sûrement, ça devait être un professeur remarquable. Et sans compter qu'il faisait éclater, on l'entendait dans la bouche de François Sullivan, les horizons, les frontières, l'ouverture, c'était ça aussi, cette grande bouffée d'air frais qui va donner le Refus Global avec ce texte important, encore une fois, La danse et l'espoir. C'est ce qu'on peut aller aussi loin que de dire quand on parle de ce texte, que c'est le début de la danse moderne au Québec? Ah ben oui, et comment? Oui, avant la lettre. Oui. Ah oui, oui, le texte de Françoise, et c'est un texte qui marque d'une pierre blanche l'histoire de la danse au Québec. Et c'est drôle parce que chaque fois que Françoise va se mêler de quelque chose de nouveau, par exemple, plus tard, elle va s'intéresser à l'art conceptuel, eh bien, elle va faire une conférence à l'UQAM, et les gens à l'UQAM vont découvrir tout d'un coup ce que c'est que l'art conceptuel. Comme si elle avait besoin de coucher sur papier la théorie, la vision qu'elle a. Oui. C'est un peu ça l'idée, au fond. Oui, mais ouais. Elle-même serait toujours la première à dire, surtout à l'époque, elle était maladroite dans sa façon elle vivait les choses, ouais, dans son corps et tout. Elle avait peut-être tout plein d'intuitions, une certaine sauvagerie. Mais malgré tout, on lui dit, mais Françoise, t'as quand même fait des textes fantastiques. On les a vus, ces textes. Elle a dit oui. Ouais. Alors, l'après New York, Gilles Daigneault, c'est la danse, essentiellement, pour Françoise Sullivan. Et puis, en 49, sa vie prend un tournant important. Elle épouse, cette année-là, le peintre Patterson Ewan. Elle va avoir 4 fils avec lui. C'est pas rien. Parlez-nous de ces années 50. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle, pour la femme, pour la créatrice? C'est un grand choc qu'elle vit. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez parlé de Bordua, l'homme de sa vie. Si Françoise était avec nous, elle dirait Gilles, c'est Patterson qui était l'homme de ma vie. Bon, ça a été un grand amour. Ça a été un naufrage, et n'insistons pas. Mais disons que Françoise dirait, c'était, même aujourd'hui, c'était Patterson le meilleur, le plus beau, le plus inventif. Et elle a raison. À sa manière, Patterson était une sorte de Françoise Sullivan masculin et tout. Ce qui est arrivé, c'est que Françoise, retour de New York, va faire spécialement de la danse. Elle danse encore, elle va faire des chorégraphies qui vont être des choses remarquables et tout ça. Et c'est pas facile pour elle de passer de la danse à la peinture. Elle va devenir sculpteur. Ouais. Pour elle, c'est plus naturel et tout. Et c'est drôle parce que ça va suivre rapidement pendant 3 mois des cours de soudure avec Louis Archambault. Mais entre autres parce que Ewan, si elle fait ce choix de la sculpture, c'est aussi parce que Ewan occupe le champ de la peinture. Elle dit, je peux pas aller là, je vais être trop influencé. Il est là avec moi dans ma vie, je vois ses œuvres. C'est un peu ça aussi, non? C'est-à-dire, il y a de ça. Par exemple, là où vous avez raison, il y a eu une grande exposition pendant ces années-là avec Jack Bush, qui est le grand seigneur de la peinture au Canada anglais, c'était Jack Bush Paintings, Françoise Sullivan's Sculptures. Mm. Donc, pour elle, ça n'était effectivement pas son champ. Mais on a l'impression qu'elle est une nouvelle venue en sculpture, mais comme elle le dit dans le premier extrait que vous avez fait jouer, pour elle, elle peint comme un sculpteur, elle sculpte comme un danseur. Ouais. Et donc, c'est toutes les disciplines. Si Françoise n'avait eu que l'aventure de la danse, ça aurait valu la peine d'en faire un personnage historique. Si ça avait été performance, si ça avait été sculpture. Ouais. Le miracle, c'est que toutes ces disciplines se retrouvent chez la même personne et ne cessent de s'enrichir mutuellement au lieu de se nuire. Alors, par exemple, les gens disaient, ah, quand on dit de quelqu'un, ouais, c'est une sculpture qui est picturale. Dans le cas de Françoise, c'était un plus. Ouais. Voilà. Donc, elle va, et on l'oublie ça avec le temps, mais vraiment, dans les années 60, c'est une des sculpteurs les plus importantes au Canada. Mais c'est pas fini. Avant de revenir à la peinture, elle va faire un autre détour vers l'art conceptuel. Dans les années 70, vraiment, là, on est dans la période, dans la grande exploration. C'est beaucoup par les voyages qu'elle va toucher à cette exploration. Qu'est-ce qui se passe de si important à Rome, de si bouleversant à Rome en 1970, Gilles Daigneault? Ce qui se passait exactement dans la tête de Françoise Sullivan en 69, avant qu'elle ne quitte Montréal, elle était la première à, comme beaucoup de ses collègues, trouver qu'on tourne en rond. Ça commence à faire beaucoup d'objets, beaucoup de peintures, beaucoup de sculptures, ça prend de la place et on se complaît parfois dans certaines répétitions et tout. Elle voulait autre chose et effectivement... Comme s'il y avait, je vous écoute là, mais comme s'il y avait quelque chose, entre guillemets, de bourgeois à collectionner, à faire tout cet art, c'est un peu ça? Ou... Il y a de ça, évidemment, et Françoise devait avoir le souvenir d'une œuvre très, très, très importante qu'elle a faite en 1948 qui s'appelait « Danse dans la neige ». Là, elle fait ça en 48 et elle va aller danser à Otterburn Park, c'est chez Jean-Paul Riopelle. Il y a des photos inoubliables qui rendent compte de cette aventure-là. Françoise, non seulement va sortir la danse des écoles, mais va sortir la danse physiquement, dehors. Ouais, ce qui est nouveau à ce moment-là. Oui, oui, oui. Et donc là, à la limite, sûrement que Françoise a dû dire « je faisais presque de l'art conceptuel sans le savoir. Ouais. Et dès lors, elle va faire, par exemple, des promenades entre le musée d'art contemporain et le musée des beaux-arts. À chaque interception, elle fait des photos. Elle va faire beaucoup d'œuvres où ce sera l'idée qui compte. Par exemple, elle ira en Irlande et elle va faire une série d'œuvres avec des fenêtres qu'elle va boucher, des portes qui sont barricadées. Quand on regarde ces œuvres-là aujourd'hui, on se dit, ah tiens, c'est une nouvelle venue en art conceptuel, ouais. Mais elle travaille comme un peintre, elle travaille comme un sculpteur, elle fait des gestes répéter des gestes de danseuse. Et d'ailleurs, c'est une performance. Cette période-là d'art conceptuel, de performance, c'est ça qui va la ramener pour un temps à la danse, oui. Au corps, en fait. Oui, ouais. Elle serait la première à dire, mais je ne l'ai jamais quittée. Quand je faisais mes sculptures, c'était d'une part des dessins dans l'espace, mais c'était aussi le résultat, ouais, d'une sorte de chorégraphie de danse. On boucle la boucle, Gilles Daniaud, elle est toujours active à 95 ans, elle est peintre maintenant, essentiellement. Ça se passe, ce retour à la peinture au début des années 80. Comment se fait ce passage-là? Ça se fait très naturellement. C'est comme si elle avait besoin d'un passage par autre chose pour repartir. Exactement comme la danse, elle repart, la sculpture, elle est repartie. Avec la peinture, elle va repartir et c'est une peinture qui sera très, très proche. Les tondeaux, par exemple, c'est des grandes toiles libres qui ont un côté sculptural avec des objets devant. C'est à la limite la performance. Et là, encore une fois, on a souvent parlé des voyages intérieurs de Françoise qui sont bien réels et fréquents. Ces voyages, ça va être aussi en Italie, puis en Grèce. Mm-hmm. En Grèce, elle va découvrir une nature sauvage qui ressemble beaucoup à la danse qu'elle aimait faire à New York, par exemple, avec Francisca Boas. Et là, elle va dire, « Ah, je regarde le ciel noir et ça disparaît. Je fais des toiles avec, par exemple, ce qu'on va appeler le cycle crétois, des personnages mythiques, mythologiques, qui ont l'air de danser. À vrai dire, c'est comme un monde pastoral, ouais, qui s'en va et tout, qui disparaît. Et doucement, elle va faire ses... Parce qu'elle va être aussi diversifiée dans son aventure picturale à ce moment-là qu'elle l'aura été dans le reste de sa, ouais, carrière. Et un jour, comme ça va très, très vite et tout, et là, elle se dit, ah, je voudrais une peinture complètement dépouillée. On, ouais, enlève les fioritures en, ouais, tout. Et là, doucement, elle va se diriger vers sa peinture actuelle, qui est une peinture presque monochrome, oui, et tout. Une peinture qui tient à rien, simplement par sa force elle-même, la peinture. Et là, c'est drôle, Françoise va... on parle de certains textes qu'elle fait sur l'art conceptuel, on avait dit, sur la danse et tout. Et en 2003, elle va faire, pour une exposition à la Galerie de l'UQAM, un texte sur la peinture et qui est... Ça s'appelle « Ma peinture est », avec un petit « EST ». Ma peinture est avec un grand E. Et c'est vraiment un témoignage, une profession de foi sur ce qu'est la peinture. Et là, on la suit. Et c'est drôle parce qu'on a vraiment l'impression que c'est en continuité, ouais, avec les quelques textes fondamentaux qu'elle aura fait au préalable. Gilles Daniaud, c'était « On sent que vous l'aimez », Françoise Sullivan. Oui. C'était passionnant de vous entendre, directeur de la Fondation Molinari, ancien critique d'art au Devoir et à Radio-Canada. Merci beaucoup. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.